La guerre et la traîtrise, l'argent et la famine. Regarde notre futur, il n'en reste déjà que des ruines. Il a fallu des millions d'années pour la construire. Et dire que quelques-unes suffiront à l'anéantir. Effet de serre, tout s'aggrave, c'est l'effet boule de neige. Le pétrole, leurs épaves qui polluent nos mers. Crise boursière, mieux gérée que la crise humanitaire. Les SDF, les sans-papiers, leurs soucis budgétaires. Le mauvais air, la pollution, l'uranium enrichi. La corruption, l'extorsion, l'Afrique appauvrie. Alors pas étonnant que chacun se replie sur soi. Est-ce qu'on avance encore ou bien retourne sur nos pas? Oui, la terre tourne, certes, mais est-ce dans le bon sens? On sait ce qui nous guette, alors faisons quelque chose pour que ça change. Seul sur terre, je me perds sans réponse face à l'inconscience et la défense. Seul sur terre, je me perds sans réponse face à l'inconscience et la défense. Je me sens percé par une brise de mer avec l'odeur de sel mélangée à celle de la terre. Assis sur une terrasse près de mon bled Saïdia, mon esprit voyage, mon corps est resté là-bas. Au milieu d'un auditoire surpeuplé, en sortant ce sera encore la pollution, les impuretés. Nos villes ne regorgent plus de vice et de malice. Maîtresse musique est devenue ce moyen propice qui m'emmène en des terres parfois inconnues, à perte de vue, voyager et errer sans but. On a trop cru, à présent on n'en peut plus. Des mensonges et des massacres, on en a trop vu. Serait plus facile de partir à zéro. Et si on faisait le monde en supprimant nos défauts? On peut y croire, mais on sait qu'il n'en saura rien, parce que l'homme n'a toujours pas appris à respecter les siens. Corrélation avec le temps, la situation se dégrade ainsi que mes sentiments. La joie et le soleil encore manquent à l'appel. Les propos font de la peine qu'on ramassa à l'appel. La terre et nos cœurs saignent nos séquelles. L'illusion de nos rêves, dis-moi où se cache-t-elle? Le thème est flou, nouveau pic de pollution. La noirceur de dehors reflète celle de mes poumons. Recracher le goudron de mes textes encrassés, voilà la seule mission que je me suis fixé. Pas encore accablé de toute cette destruction, j'espère pouvoir m'exprimer autrement qu'en son nom. Seul sur terre, je me perds sans réponse face à l'inconscience et la défense. Seul sur terre, je me perds sans réponse face à l'inconscience et la défense.